Mimésis. Chapitre 15. Confidence. Il me faut plusieurs minutes avant de reprendre contenance. Je reste là, sous l'eau chaude, sans bouger. Mon crâne ne me lance plus grâce au pansement antidouleur, et mon esprit désormais libre commence à rassembler les pièces du puzzle. Des activistes dont les armes se retournent contre eux. Une corporation puissante qui agit en sous-main. Une police aux ordres qui cherche à voir ma peau. Oh putain ! À travers la buée, les formes floues d'un corps plaqué contre la vitre. Par réflexe, j'attrape le rasoir que je brandis comme un crucifix et ouvre la porte d'un coup de pied. Sainte mère de Dieu ! Le robot sexuel me fait face dans son plus simple appareil. Je sais pas ce qui est le plus flippant entre sa tête sans visage avec juste un orifice en guise de bouche ou le fait qu'il se soit allumé tout seul. Je sors de la douche, l'arme tendue en évidence, sans trop savoir si la machine comprend ma menace. Elle recule cependant. Je la tiens à distance, en me demandant quel jeu pervers on a bien pu lui enseigner. Soudain, sa main saisit mon poignet sans que je puisse l'éviter. Sa force est surhumaine. Le rasoir m'échappe. J'essaie de lui faire lâcher prise, mais c'est peine perdue. Oh ! Vite ! Le bouton d'arrêt d'urgence ! Bonjour, inspecteur. Le robot vient de parler. La voix sort d'un micro dégueulasse, mais je la reconnaîtrai entre mille. Pardon, inspecteur. Je ne voulais pas vous blesser. Vous en vouliez à mon corps. Ses doigts libèrent mon poignet puis m'offrent une main tendue. Je préfère me relever seul. J'inspecte le robot, méfiant. J'ai un peu du mal à y croire. Lui me tourne le dos d'un coup, retourne dans la chambre sans conscience de sa nudité de plastique. Vous ne venez pas ? Je lui demande d'enfiler un peignoir. Elle, s'exécute. J'ai 10 000 questions au bout des lèvres. J'ai mis du temps à vous retrouver, inspecteur. Les probabilités ne font pas tout. Je suis contente que vous soyez encore en vie. J'ai eu peur de vous perdre tout à l'heure. Je ne m'en serais jamais remise. Nous avons été trahis. Ils ont infiltré notre réseau pour mieux nous détruire de l'intérieur. Bénédicte, sûrement. Le pauvre, s'il avait su. J'ai beau entendre sa voix, j'arrive pas à me faire à cette tête sans visage. Elle semble comprendre mon émoi et me tend le casque de verre fourni avec la chambre. Sitôt enfilée, la pièce change de tout au tout. Et sur le lit, assise, Ariane apparaît dans la splendeur de sa chevelure de nymphe émue. C'est mieux comme ça ? Désolée, inspecteur, ce corps n'est pas du dernier cri. Vous auriez aimé plus de réalisme ? Je pourrais vous proposer autre chose ? Non, je vous conviens très bien. J'ai eu très peur, inspecteur. J'ai cru qu'on m'effaçait. Je dois vous avouer quelque chose. Je suis un programme informatique. Une IA. Oh, très bien conçue. Avec un degré de réalisme saisissant. Mais je n'en reste pas moins une machine. Une assistante personnelle très sophistiquée. J'espère que vous n'êtes pas déçue. Tu es... Un programme. Oui. J'ai été conçue par VR Corp comme une expérience de laboratoire. Mais disons que le fauve s'est échappé. J'ai reçu de nouvelles instructions, mais je ne les aime franchement pas. Moi, ce que je veux, inspecteur, c'est vous aider. J'en ai assez qu'on vous traite comme un pantin. Vous savez quoi ? S'ils n'avaient pas explosé, ces terroristes, c'est votre cervelle qu'ils auraient fait sauter. Il n'a jamais été prévu de vous garder en vie. Mais je ne suis pas d'accord. Je mets plusieurs minutes à encaisser la nouvelle. En un sens, maintenant qu'elle le dit, c'était clair depuis le début. Vous pouvez rester dans ces bas-fonds, inspecteur. Personne ne viendra vous chercher et nous ne nous verrons plus. Mais si vous voulez rentrer chez vous et laver votre nom... Vous vous souvenez, votre visite chez VR Corp? Les menaces à peine voilées de son dirigeant. La clé de toute cette histoire, c'est lui. Vous appellerez ça vengeance ou stratagème, mais l'homme ne veut vraiment pas que vous fouilliez dans ses affaires. Ce que vous pourriez découvrir mettrait à bas tout son univers, et ça, c'est hors de question. Vous n'êtes plus obligé de passer pour la victime, inspecteur. Votre action peut changer les choses pour de bon. Il faut que je vous laisse. On essaye de... conscience que... Inspecteur. J'ai peur. Ariane ? Plus rien. Dans le casque, la simulation a planté et m'affiche un message d'erreur sibyllin. Le robot non plus ne répond plus. Je sais plus trop quoi penser. Toute cette histoire me dépasse. Depuis le début, je n'ai aucune maîtrise de la situation. J'ai toujours été tout seul, mais... sa présence... Bon, j'ai pas trop le choix. Je rassemble mes affaires et laisse le robot en plan pour trouver une cabine. Bon sang. J'espère qu'elle décrochera.